Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Mais qu'est-ce que Critique de Crowd te dira-tu? Ben écoute, c'est la première fois que tu écoutes l'émission, ça veut dire fait que félicitations, on va bien s'amuser. Et oui, je critique la foule, je suis parmi vous, chers spectateurs. Je vous aime, vous faites la différence. Et j'observe comment ça se passe dans le pit, comment tu trash, comment ça body surf, ça stage dive. Et il y en aura beaucoup à l'émission cette semaine, puisque lundi, qui vient tout juste de passer, j'étais au spectacle de Black Dahlia Murder. Là, je fais même pas de bruit parce que mon excitation est encore beaucoup trop intense pour pouvoir... Sinon, je pense que je ferais juste crier tout le long de l'émission. Je jubile encore de ce spectacle qui m'a complètement fait renouer avec un de mes groupes préférés. Ça a été merveilleux. Et sinon, ben écoute, il y avait bien des bands ce soir-là au Fofone électrique, puis j'ai juste vu Suffocation. Tu comprendras pourquoi. Et sur ce, c'est grâce à ma mère. Non, non, pas à cause de ma mère que j'ai manqué les spectacles, plutôt grâce à elle si j'y étais. Alors... Je vous explique tout ça après la musique. Oui, beaucoup de souvenirs aussi, puisque c'est pas la première fois que je les voyais en spectacle. Je me remémore bien des affaires sur les ondes de La Marge. Et pour commencer l'émission, écoute, ça a l'air que maintenant, ils sont accessibles sur Internet. Je suis quasiment déçue, parce qu'il y a pas si longtemps, il y a moins d'une semaine, nous avions, dans la discothèque de CISM, quelques chansons d'Arsenic 33 qui avaient composées comme ça, et que nous avions pas mal en exclusivité. Alors, ouais, et, oh mon Dieu, honte à moi, j'avais toujours pas eu le temps d'écouter l'album. Je me disais, ah, oh, je vais vous en passer, je vais en mettre à mon émission, Puis je le faisais pas. Fait que je me suis dit, je vais l'écouter avec les auditeurs, découverte en direct. Et finalement, depuis cette semaine, ils sont accessibles sur Internet. Fait que ce sera un petit peu moins spécial. Et de toute façon, pour les grands habitués de CISM, vous en avez déjà entendu quelques-unes dans d'autres émissions et dans le Mix 25. Alors, ben, allons-y gaiement dans la découverte de nouvelles chansons d'Arsenic 33 qui se retrouvent sur leur EP Arsenic 33 a gâché ma vie. We'll be right back. Ah, mon Dieu, ça m'a pris par surprise. Autant de découvertes, j'en suis restée bouche bée. J'espère que vous avez tout comme moi apprécié. Ça s'appelle Croquita. Et voilà. Et ben oui, allez découvrir toutes les autres chansons. Il y en a 7 à découvrir d'Arsenic 33. Toujours, ben oui, toujours heureuse d'avoir du nouveau stock des bands qu'on aime. Et oui, oui, je vais abuser du mot peut-être amour et aimer parce que j'aime Black Dahlia Murder. C'est un groupe que j'adore et que je porte beaucoup. On pourrait dire, ah, porter dans son cœur. Mais non, je porte littéralement parce que j'ai un vieux... J'ai un vieux hoodie, genre, qui est vraiment pitoyable parce que je l'ai acheté juste comme en 2013. Ouais. Mais il est vieux! Ah, oh, il est magané! Il est plein de trous. Le zip marche comme... Si je tire trop haut, le zipper, il pompe. À chaque fois, il faut un petit peu que je zigonne pour remettre le zipper. Pour vous dire que tout le print, il est comme tout... il est tout craquelé. Il a du vécu. Je le trouve pas si vieux que ça. C'est du linge que j'ai depuis beaucoup trop d'années. Tandis que lui, c'est vraiment juste à force de le mettre en dessous de mes manteaux l'hiver et qui fait en sorte, bien étrangement, je sais pas vous, crowd, mais tu sais, avec tous les gilets de Ben que j'achète, quand je les mets, ça me donne le goût, genre, d'en réécouter. Fait que là, vu que c'est un gilet, un hoodie que je mets souvent, j'en réécoute encore plus. C'est un cercle vicieux vestimentaire. Waouh! Mais un bon cercle vicieux parce que ça nous permet toujours de mieux connaître les chansons, d'encore plus les réapprécier. Et pour tous ceux qui les connaissent pas, Black Dahlia Murder, c'est un groupe de death metal mélodique du Michigan qui existe depuis 2001. Et si aujourd'hui, il ne reste que 2 des membres fondateurs du groupe, ben pour moi, oh mon Dieu, c'est Trevor, le chanteur, qui fait toute la différence. Son chant est incroyable. À chaque fois, je deviens toute excitée juste à écouter les albums, tellement ses capacités gutturales me fascine. Ah oh, ouais. Et surtout, il a une performance scénique incomparable. Vraiment, je vais en parler tout le long de l'émission, mais il est merveilleux. Et sinon, ben ils sont très productifs parce que en tout, 8 albums studio. Ils ont... Oh mon Dieu, il y a aussi un EP. Allez l'écouter. Genre un peu plus grindcore. Il est facile à écouter. Là, il est tellement cool. Il dure 5 minutes. Et sinon, ben oui, ils sortent comme des années, à toutes les années impaires. Et autrement, ils sont toujours en tournée. Alors quand tu les aimes, ben c'est le fun. Tu peux les revoir tout le temps. Ou genre, je sais pas vous, là, mais en tant que fan, des fois, je suis comme, ah oh, mon Dieu, c'est bien fatigant, tu sais, genre... Je veux dire, oh mon Dieu, faut que j'aille les voir tout le temps, mais ils viennent tout le temps, ils viennent à chaque année, ça fait... Oui, on dirait que ça, c'est drôle, hein? On dirait que ça me mettait de la pression en tant que fan. Est-ce qu'il faut que je sois toujours au rendez-vous, comme une vraie, ou j'ai le droit de manquer quelques rendez-vous, revenir, me ressourcer auprès du groupe? Pour moi, c'est un peu ça. Et toute cette belle histoire a commencé, oh mon Dieu, encore une fois, à cause des guenilles. Parce que le linge que vous portez, vous, dans la crowd de tous les jours, fait aussi une différence sur mes appréciations musicales. C'était une fille au cégep qui avait un t-shirt de Black Dahlia, puis je le trouvais comme je le trouvais beau, puis j'étais comme ah ouais, je connais pas le groupe. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Je pense qu'il avait été mon Dieu, à une vieille édition du Metal Fest de Trois-Rivières, d'où la raison qu'il en emportait un et que j'ai manqué le spectacle. Ah! Et j'ai pu me rattraper en 2010 au petit campus. J'étais rendue à Montréal et je crois que cette année-là, non, je ne mets pas encore à la critique de crowd sur les ondes de la marche, fait que c'est peut-être le seul spectacle que j'ai assisté cette année-là. Oui, je sais, j'étais en pleine carence de crowd, ça allait pas bien ces années-là. Sinon, ben écoute, à ma grande surprise, ce matin, en faisant de la recherche sur les spectacles de Black Dahlia Murder à Montréal, j'ai retrouvé une critique du spectacle qui avait lieu le 4 octobre 2010, comme j'ai dit au petit campus avec Gold Ward. Je capotais un peu. C'est vraiment... une critique qui parlait de moi! Il parlait de moi dans la crowd! Alors, je vous le lis tout simplement. Alors, la critique, bien vendue. Vraiment, il a adoré le spectacle. Et il a dit que le chanteur est merveilleux, comme je vais le répéter 1000 fois. Et il dit, entre autres, qu'une fan, après avoir slamé... Bon, ça sent que c'est un Français qui a écrit ça. Alors, une fan, après avoir slamé, vient sauter sur le dos de Trevor, qui exécutera tout le morceau avec la donzelle sur ses épaules. Classe et fun. Le Français déclara que c'est la première fois que ça lui arrive et que c'était, entre guillemets, « fucking awesome ». Et oui, effectivement, j'ai sauté sur le dos du chanteur pour aucune raison valable. Mis à part le fait que je suis un peu expiègle en spectacle, comme je vous compte souvent sur les ondes de CISM, et que, je sais pas, vraiment, j'ai une énergie qui me dépasse les jours. Je crois que j'accuse complètement le death metal mélodique. Ça sort quelque chose de tellement vivant et vibrant, là. C'est contradictoire peut-être, mais non, ça me met complètement en vie. Je capote. Et je dois avoir des antécédents, genre, dans une autre vie, d'être un koala. Parce que, déjà, un koala, là, peut-être que vous le savez pas, mais ça crie mal. Ça crie comme une vache. Fait que déjà, il y a des points en commun. Ensuite, le koala, il s'agrippe, tu sais. Puis c'est carrément ça qui s'est passé en 2010. Je suis juste montée sur scène, je suis pas trop là. Je suis là, puis je fais comme, qu'est-ce que je fais? Je connais pas assez les paroles par cœur, il est trop verbomoteur. Puis je fais juste, boum, m'agripper sur son dos. Tout suant, il est en bédaine. C'est un peu absurde, mais oui, ça a créé... cet amour encore plus profond que j'ai pour le groupe. Et ça s'est renoué en 2013 au La Tulipe. Il était en show avec Skeleton Witch. Ah, c'était bon, mais le théâtre La Tulipe était beaucoup trop petit. L'inverse, trop grand. Ouais, la crowd était trop petite. Tristesse. Parce que, ouais, ça fait une différence sur le spectacle. J'accorde avec beaucoup de misère. Des fois, c'est un peu fret, je trouve. Il y a une ambiance, je sais pas. Il y a un petit fret dans la crowd. Inexplicable. Et le fait que la salle soit grande puis qu'elle soit pas très remplie, ça faisait, un certain ajout dans cette mince caractéristique-là, parce qu'au-delà, je veux dire, les gens souriaient, ils ont du plaisir entre eux. Et pour moi, ça avait été super important comme spectacle, puisque en 2012, j'ai fait une commotion cérébrale au dernier show des Sainte-Catherine à Québec, et ça faisait un an que j'avais pas stage-divé. Et Trevor est d'une générosité sur scène, il tend la main à tout le monde qui veut stage-divé. Peu importe le nombre de fois que t'as stage-divé, il va encore te tendre la main, il est généreux. Et c'est comme ça que j'ai eu confiance et que je suis retournée à une de mes activités favorites en spectacle, qui est le stage dive, qui s'est bien passé. Puis la tulipe, la scène est quand même haute, alors je suis contente de pas m'être trop pété la gueule. Fait que oui, effectivement, ça a été encore une fois un plus. Et autre fait qui m'a énormément marqué en 2013, c'est en sortant du spectacle. Il y avait, les spectateurs s'en vont retourner chez eux, là, c'est pas si spécial, là. Mais sur la rue Mont-Royal, il y a deux gars en avant de moi qui parlent du spectacle, puis ils sont comme, Trevor, il m'a regardé traite dans les yeux. Et tout le monde pourrait dire que Trevor le regardait dans les yeux, parce qu'il nous regarde un après l'autre. Je trouve ça tellement incroyable. Puis tu vois, j'ai pris le temps de choisir le mot, puis je le trouve pas à la hauteur. Parce que oui, il y a des chanteurs de charme, ou chanteurs qui ont dit charismatiques, qu'on n'aura pas autant l'impression que, comme ça, naturellement, ils nous regardent sincèrement dans les yeux. Puis c'est tellement fort, c'est si simple et si efficace, et ça fait toute la différence sur l'appréciation d'un show, complètement. Puis c'est ce qui est beau, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui. De la critique qui date de 2010 à celle que je vais vous faire en 2017, ils sont pareils, mais dans le bon sens du terme. Je trouve que musicalement, le dernier album vient plus me chercher que l'avant-dernier, mais question attitude, ils conservent que le meilleur, c'est ça qui est beau. Par contre, la dernière fois que je les avais vus en show, j'étais un peu... j'étais un petit peu choquée contre la crowd, ce qui a fait que oui, ça jouait peut-être sur mon appréciation du Ben. Oui, le facteur crowd a joué là-dessus. Je vous reviens là-dessus parce que, oui, Maman Ruet va avoir... fait en sorte que je vais aller voir le show. Et pour elle, j'ai déjà envie de lui dédier mille et une chansons. Et on va commencer par Gros Méné avec Maman Chérie. Keep doubling up on, I can't do pourquoi. Je voudrais oui, vous aurez reconnu ça, Clamarde, avec Rock ta mère, chanson qui se retrouve sur le split volume 2 Dare to Care. Ah, un bon split sur album, mais ça me... tu sais, un split quand c'est sur vinyle, on dit... je trouve qu'on voit plus la thématique sur un album, ça me fait un petit peu rire. Mais sinon, hey, quelle excellente musique que celle de ça, Clamarde. Rock ta mère, mais moi, c'est ma mère qui rock. Je, comme j'ai dit, j'ai dédié toutes les chansons de maman que je vais vous passer. Non, pas, c'est pas la dernière. Et ouais, maman critique de crowd. Ouais, ben, ah! J'allais dire, elle est quand même au courant. Des fois, j'y compte des anecdotes de spectacle. Je sais pas si j'y ai compté celui des Foufounes électriques il y a 2 ans, 2015. Ben oui, je retourne voir Black Dahlia Murder, puis ça, c'est de la tristesse de bébé chaton qui a pas été retenu. Ouais. C'était pas mon premier stage dive de la soirée. Le stage des Foufounes électriques est quand même haut. Il peut y avoir bien des facteurs qui font en sorte que quelqu'un n'est pas retenu dans la foule. Le soutien, j'allais littéral et figuré. Ouais, c'était un peu le cas. Je suis tombée et je me suis bien cogné la tête sur le plancher des foufs. Et oui, comme je vous ai dit, ben, je suis pas. Pour de vrai, je trouve que je m'en tire bien. Là. J'essaie de pas trop me faire mal en spectacle. Mais oui, je l'ai bien senti. Fait que là, évidemment, j'avais un peu peur pour ouais, que ça soit un coup plus dur que simplement une petite poc. Mais j'étais surtout déçue, oui, de la crowd. Je me suis dit, bah, c'est moi qui peut-être pas, qui a pas fait attention de voir, y a-tu des gens pour me retenir? Je trouve que c'est quand même essentiel dans la démarche de stage dive. Les gens prennent leur temps aussi sur scène pour être remarqués. Je crois que c'est normal. À moins d'être dans un show hardcore où genre, le monde faut juste se pitcher. Y a jamais de personne qui rattrape. Y a plus personne, tu sais, y a trop de stage divers. Plus personne en avant. Tout le monde s'en fout puis ils sont pareils. Je crois que là-dessus, c'est comme un... J'ai l'impression que ça fait consensus sur le genre musical, qu'il y a plus de gens qui soient pas retenus que retenus. Mais dans ce cas-ci, pour un show metal, puis il y a quand même, ben oui, tu sais, il y a encore du monde en avant. J'étais un peu triste. Était-ce le facteur un peu, je sais pas, individualiste de la foule, que ce soit, il n'y a pas... l'aspect rassembleur, ou peut-être un pit qui est quand même assez brutal, plus de brutalité dans le pit égale moins de soutien dans le reste de la foule, ce serait un calcul triste à avoir. Non, on veut pas ça. Et surtout parce que, oh mon Dieu, quand on se fait mal en sport, j'ai en tête en gymnastique, je me rappelle que avoir pris des cours de trampoline, quand tu tombes, tu sur la tête, justement. Ils disent, il faut que tu recommences tout de suite ton mouvement, parce que autrement, ton cerveau va emmagasiner la chute et il va avoir peur de reproduire le même geste. Et peut-être que c'est comme ça, moi, que je me suis dit, il faut que je retourne au Foufounes électriques, revoir Black Dahlia Murder, même endroit, même place, même Ben, parce que je les aime, parce que oui, j'avais envie d'y retourner, mais ouais, le dernier spectacle m'avait un petit peu laissé de travers, la crowd, c'est rare que j'ai un petit 1 contre la foule, fait que c'est quand même, ouais. Et, oui, ce soir-là, ma mère est de passage à Montréal. Pour ceux qui pensent que l'accent, je viens de Trois-Rivières, mais pas tout le monde parle de même. Fait que bref, elle est descendue de Trois-Rivières, elle était de passage à Montréal. Je l'héberge. Et justement, tu sais, drôle la danse, c'est juste le même soir que le show. J'ai pas encore mon billet. Fait que j'ai dit, ah, tu sais, je suis pas obligée d'y aller. On pourrait passer la soirée ensemble. Et maman critique de crowd était comme, mais non, vas-y à ton spectacle. T'aimes ça, aller voir des spectacles, Jalen? Je suis comme, ben oui, mais t'es là. Il était pas souvent là, fait que c'est le fun. Elle dit, ben, eux autres non plus, ils sont pas là souvent. Et je suis comme, ouais, mais c'est un Ben, ils font des tournées, ils vont revenir. Et comme, ben, moi aussi, je vais revenir. Allez, je vais me coucher de bonne heure. Va voir ton spectacle, Jalen. Et c'est vraiment elle qui m'a convaincue. C'est pour ça que je suis arrivée en retard. J'étais comme pas... Le show commençait de bonne heure. Là. Ça commençait à 6h30 avec 5 Ben en tout, là, faut le faire. Mais ouais, c'est le temps que je me dise, ben, non. En passant, elle disait pas comme, ah oui, vas-y pour ton émission Critique de Crowd. Elle me disait, allez, vas-y, ça va faire du beau contenu pour Critique de Crad. Et j'ai dit, ben oui, je vais y aller, maman. Et surtout parce que c'est la meilleure supporteur de toutes mes chutes, puisque... Ah! Ouais, la fois que je me suis cassé le nez, oui, je sais, en date d'aujourd'hui, j'ai juste 2 grosses blessures, puis je vous les compte aujourd'hui, tu sais, ça fait beaucoup. Mais la seule fois que je me suis cassé le nez, c'était le jour de sa fête. Fait que je l'ai appelé en sortant de l'hôpital en disant « Bonne fête, maman, me suis cassé le nez, c'est ça ton cadeau. » Puis elle était comme « Ah! » Elle dit « C'est original. » Fait que merci beaucoup, je t'adore, maman. Je vais... je vais te faire un meilleur cadeau la prochaine année, c'est promis. Et sur ce, ben écoute, autre chanson pour toi, c'est Rebels of Tijuana avec la chanson Qu'est-ce qu'elle va dire ma mère? Ben ma mère a dit de voir le spectacle. Rebel of Tijuana sur les ondes de la marge avec la chanson « Qu'est-ce que va dire ma mère? » Et ben je sais pas ce qu'elle va dire ta mère, mais sûrement qu'elle te suggérait de rester après les publicités parce que Critique de Crowd a du beau contenu parce que ça parle de Black Dahlia Murder. Oui, oui, après les publicités, à tout de suite. Cette semaine, dans votre quartier libre, découvrez le fonctionnement des fraternités et sororités de l'UdeM. Informez-vous sur le débat concernant la fin de l'écriture manuscrite dans les universités et explorez en images la collection d'art public du CHUM. Visitez notre site Internet quartierlibre.ca et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Quartier libre, au cœur des préoccupations étudiantes. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. À l'affiche, dès le 20 octobre, imaginez une ville minière au fond de la Sibérie où les vents articles et la fumée toxique des usines est le décor de votre quotidien. Enterrés sous la glace et la censure se trouvent des adolescents qui rêvent d'exil, des travailleurs qui évoquent avec nostalgie la camaraderie soviétique perdue, des descendants de prisonniers du goulag et des artistes de théâtre qui cherchent à mettre de la lumière sur le sombre passé du Norilsk. Sur la lune du nickel, en salle, à la Cinémathèque québécoise dès le 20 octobre. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. De retour sur les ondes de Radio Liberté. Hey, c'est ce que j'ai entendu hier. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est incroyable. Apparemment, ce seraient des reptiliens nazis, francs-maçons, cousins de Rothschild, travailleurs pour les extraterrestres de la zone 51 qui dirigeraient le monde. Ben, capote pas, là. On sait bien ça, mon chum. Ah c'est, bon? Oui, on appelle ça le nouvel ordre mondial. Faudrait que tu t'informes là-dessus. On en parlait dans notre dernière réunion des conspirationnistes anonymes, puis... D'années des analyses à deux scènes. De la polémique. Du manque de perspective. De l'anti-intellectualisme. Au panoptique, on décortique l'actualité internationale et les grands enjeux avec rigueur. Esprit critique. Profondeur. Pour vous offrir un portrait juste des réalités d'ici et d'ailleurs. Le panoptique, mardi, 9h-10h30 sur les ondes de CISM 89.3 FM. You are fake news. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont... Le lundi 16 octobre, série compositeur jazz. Le mardi 17 octobre, en 5 à 7, poète de brousse. Et en soirée, DJ Night. Le mercredi 18 octobre, Namori 6. Le jeudi 19 octobre, Belshazzar et Charles Robert. Le vendredi 20 octobre, Deep River. Samedi 21 octobre, Sex Machine Octopus. Et le dimanche 21 octobre, des plugs présents, Maxime Gervais. Quai des Brumes, coin Montréal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Yeah. Ah, ils ouvriront peut-être, qui sait, le spectacle de demain avec leur toute première chanson qui ouvre leur album Le Déluge. Ben oui, vous aurez peut-être bien reconnu l'unique voix du chanteur de WD40. La nuit juste après Le Déluge, voilà, il sortira demain, lancement officiel au Lion d'Or. Sinon, vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolaine Ruet. Enchantée pour ceux qui se joignent à nous. J'espère qu'il y en a pour de vrai qui le font, hein, parce que je le mentionne jamais. Hey, ben des shows! Il y en a tout le temps, on est à Montréal. Fac, il y a plein de suggestions. Suggestions de la semaine. Ce soir, c'est le... Ah, ben oui, un autre lancement. C'est le lancement de Scissors au White Wall Studio. Sinon, ben écoute, dans un autre ordre d'idée, disons plus... J'allais dire, mon Dieu, Roger Waters, là, je veux dire, dans le mainstream, on est moins CISM, mais reste que je crois bien qu'il y aura plusieurs auditeurs au Centre Bell ce soir. Sinon, vendredi, je les ai vus plus qu'une fois, je vous suggère le spectacle, ça risque d'être fort amusant, Dead From Above 1979, ils vont jouer au théâtre Corona. Sinon, Chelsea Wolfe va être en show au National, et comme je t'ai dit, WD40, Lion d'Or, hein. Samedi, Japan Droids va être au théâtre Corona. Et sinon, à la Casa del Popolo, une très belle soirée avec Kern, Taskmaster, 4000 Blackbirds, Kerans, ça va bruiter, merci. Et dimanche, j'adore la formule 5 à 7 des plugs. Je sais que les dimanches n'est pas toujours une soirée occupée question crowd, mais j'adore la thématique. Je trouve que ouais, ça fait petit dimanche tranquille, hein, petit 5 à 7, va écouter un set acoustique. Et cette fois-ci, on l'aime bien à la station, c'est Maxime Gervais. Alors ben oui, OK des brumes. Et si sinon tu veux poursuivre ta soirée façon métal, ben va profiter de Pig's Blood avec Operation Profane Order à la brasserie Beaubien. Ça va brasser par là et boy le jeu de mots. Et c'est... Sinon, ben écoute, mon Dieu, je te parlais de tranquillité du dimanche, juste parce que c'est le retour de la tranquillité des lundis. Ben oui, pas de suggestion à vous faire. Reposez-vous pour mardi, aller au théâtre. À la salle Fred Barry, il y a la... Je vous dis mardi, mais il y a d'autres dates là, à aller checker sur les internets. Mais autrement, la femme la plus dangereuse du Québec est en show, alors allez-y. En tout cas, moi, j'y vais cette date-là. Et finalement, mercredi, la femme en show au théâtre Corona. Hey! Qu'est-ce que je tiens là? On sent-tu le bruit de papier, là? J'ai un concours à la place Belle. Il y a All G le 29 octobre prochain. Fait que t'as le temps de mettre ça dans ton agenda un dimanche si c'est pas sympathique. Alors, t'as juste appelé au 514-342-476 puis waouh, tu vas profiter de la crowd et de la musique et d'une folle ambiance. Sinon, ben écoute, nous, on continue en musique avec les chansons du palmarès francophone de La Marge. Pressé de s'affairer. oui, je voulais vous surprendre de... après les chansons du palmarès franco. Mais oui, vous aurez sûrement reconnu Maud Audet et Mon doux seigneur. Et complètement ailleurs, Suffocation! Ben oui, avec la chanson Infected the Crips. Et ben oui, j'avais envie de vraiment aller dans... changer l'ordre musical. Quoique ce sera bien brutal pour le restant de l'émission Critique de Crowd qui est arrivé. Ben oui, je vous l'ai dit, je suis arrivée en retard pour le spectacle. Je le sais, même si les groupes avant étaient fort excellent. Je le dis parce que je les ai écoutés dans l'après-midi. C'est niaiseux, hein? J'allais voir un spectacle de band que, ouais, j'ai manqué. Je pense particulièrement à Decrepit Birds, quoi qu'il est venu chanter, le chanteur, avec Suffocation. Et sinon, il y avait aussi Necrot et Warm Witch. Et en arrivant dans la salle, je pouvais déjà constater, c'était presque complet, presque sold out. C'était pacté. Ah, c'était jump back. fallait trouver sa place, puisque non, en jasant avec les gens dans la foule qui étaient fort sympathiques, je réalise bien que oui, il y en a qui sont arrivés un peu en début de soirée, mais plusieurs ont tout comme moi manqué le premier ou le deuxième groupe ou le troisième ou bref. Et sinon, mais crowd, prévisible dans le sens qu'ils sont tout en gaminet de noir, ils sont bien chevelus, ils sont d'une chevelure longue et... Avant de partir, tu sais, je trouvais que j'avais les cheveux pas propres. Et ouais, je faisais un peu de scrupule de mon sébum. Et quand je suis arrivée là-bas, soudainement, je me suis sentie tout complètement à l'aise. J'étais comme, mon Dieu, que je passe dans le bar. Tu sais, j'ai l'air de... je passe incognito. Et dans ce temps que, tu sais, dans un autre cadre, j'aurais eu l'air d'une pas propre. Mais là, j'avais l'air bien correct. Sans dire que les gens étaient crasseux. Non, non, non. Plutôt que c'était légèrement grungy, mais bien varié. Parce que pour de vrai, dans les t-shirts, oui, ton nouveau t-shirt de Black Dahlia Murder, tu le portais déjà, ton nouveau de Suffocation aussi, mais il y avait des amateurs de Napalm Death autant que de Punk Ska. Ben oui, il y avait un gars avec un t-shirt de Mustard Plug, j'adore ça, j'adore que tu t'en fous un peu du... J'allais dire du protocole, mais je sais qu'il n'y en a pas, mais inconsciemment, dans un show métal, oh oui, tu sors ton petit gaminet métal, cette fois-ci, tant pis, ou tant mieux, Mustard Plug, j'adore à toi. Et sinon, ben oui, bien accessoiré dans ta main d'une grosse quille de 50, ta soirée est partie pour la gloire. Et... ben oui, je suis arrivée à l'entrée puis j'essayais de me trouver une petite place et c'était assez difficile là, j'étais vraiment collée sur le mur à côté du gardien de sécurité qui avait le même suit, OK, plus orange là, mais le même suit que Beastie Boys dans Intergalactique. En tout cas, ils sont remarquables dans le sens que tu les spots facilement, les gardiens de sécurité des foufs. C'est-tu nouveau ou c'est juste qu'avant, je sais pas, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait comme un gardien comment on dit ça donc? Brigadier, Beastie Boys, même combat. Alors, sur ce, ben oui, les gens jasent, les gens sont sympathiques. C'est crowded, pas beaucoup d'espace pour soi. Parce que, oui, c'est sûr que le pit va amène, oui, c'est son espace en soi qui est des fois utilisé ou non. Mais, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que justement, tu sais, quand il y a un pit, les gens, en général, j'ai dit ça comme ça, là, c'est vrai que des fois, il y en a qui aiment pas ça se faire tasser en show. Mais quand même, quand les gens se déplacent, tu le sais, c'est parce qu'ils veulent participer. Fait que tu vas les laisser passer parce qu'ils veulent pas voler ta place. Mais là, juste avant le début du show, il y avait quelqu'un qui collait un Francis imaginaire, là. C'était Francis! T'es où, Francis? Là, on savait qu'il existait pas parce qu'il y avait un gros sourire d'en face de menteur, mauvais menteur. Et en même temps, je me dis qu'ils sont juste impatients parce qu'au final, ta place, tu la trouves quand même facilement dans un show où ça brasse. Et oui, ça bardasse quand même assez. Je vous dirais qu'on ressent les relents de la foule même assez loin parce que moi, ça m'a pris du temps avant d'arriver jusqu'en avant, justement, frayer mon petit chemin. Et c'était une brutalité qui ne fitait pas avec mon mood immédiat. Je suis arrivée dans la foule puis je sais pas, j'avais bu trop de chai latte dans la journée, fait que j'étais comme trop mollo. Je regardais ça et je faisais juste suivre le flow, collé à côté du gars le plus bâti de toute la salle. Enfin, je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est qu'il me tombe dessus. Non, mais non, pour de vrai, je faisais juste comme m'accoter sur lui accidentellement. J'étais comme waouh! Ben, finalement, je cognais sa bédaine. Et j'espère que ça ne dérangeait pas trop, mais en même temps, la proximité physique était inévitable. C'est, étant donné qu'il y avait tellement d'action, on dirait faut que tu sois prêt. C'est vraiment comme l'eau. On dirait que tu es tout le temps en train de tanguer. Là, c'est comme oui. Et autrement, oh mon Dieu, quel groupe Suffocation quand même. Déjà en partant, groupe qui n'a peut-être plus de besoin de présentation pour les amateurs du genre, fondé en 88, ils sont dans les peut-être certains disent les premiers, d'autres hein, on conteste, on chiale, hein, mais fondateur du brutal death metal et surtout Frank Muller, il a été bien reconnu pour avoir élevé le niveau vers le bas dans le sens plus grave des gutturales et c'est bien heureux qu'on a pu le voir en spectacle. Oui, dans les dernières années, ils donnent moins de spectacles parce que c'est une réalité. Chanter du métal et chanter du death metal, ben ça fait pas nécessairement gagner sa vie. Fait que je trouve ça quand même extrêmement honnête et je trouve ça, je l'aime qu'il nous le partage. Puis en même temps, le fait qu'il soit sur scène et qu'il fasse des compromis aussi dans sa vie, chapeau. Je trouve ça tellement grand. Et je sais pas si ça a un impact sur comment il est parce qu'il est beaucoup connu pour faire des hand chops. Fait que oui, il brosse sa main en coupant, mais quand il fait au-dessus de sa tête, moi j'ai l'impression qu'il met un coq, là. Fait que chacun a leur façon de voir ses moves. Fait que, mais il y a tellement une attitude, là. Ah, il trippe, il a un gros sourire d'en face, il s'amuse. C'est drôle, on dit, il a vraiment la fringue, il est fringant, comme si c'était ses premiers spectacles, comme s'il avait 19 ans. C'est beau à voir, il est encore animé de cette flamme-là, il fait des high-fives durant le spectacle. Après aussi, il prend vraiment le temps d'être avec les fans après. Le guitariste aussi qui donne des pics. Ah, vraiment, c'était vraiment un show chaleureux humainement. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et high five partout, tout le temps. Sinon, ben écoute, on va continuer en musique. Je t'ai dit que ça allait être brutal. Continuons avec un cher groupe franco death metalleux. On va écouter Frost Fragment. We'll be right back. Nightbringers est le nom de leur plus récent album, Black Dahlia Murder. Et vous avez entendu, Jar, sûrement que vous avez entendu sur les internets, les premiers titres qui sont sortis, c'était Matriarch et la chanson-titre Nightbringers. Et j'avais envie de vous faire découvrir d'autres chansons de ce merveilleux album qui est sorti le 7 octobre dernier. Oh oui. Et en passant, t'écoutes toujours CISM, puis si tu trouves que Critique de Crawl, elle parle moins fort que d'habitude, on fait des petites réparations sur l'antenne, fait que monte le son de ta radio! Alors, sur ce, pour tous les appels qu'il y a eu pendant la chanson, soyez rassurés, ça se règle. Il se passe des affaires, hein, entre les chansons. Et sinon, mais il se passe des affaires, évidemment, au Fofone électrique lundi dernier avec Black Dahlia Murder, parce que j'en parle. Ben oui, ça va être le spectacle à un moment donné. Mais l'entracte, j'y ai senti vraiment déjà toute la camaraderie de la foule. Et même la gentillesse des techniciens. Je crois que c'est comme un roadie qui a comme donné des bouteilles d'eau. Ça va pas l'air d'être un employé des Foufounes électriques. Du moins, c'est une nouvelle habitude qu'ils prennent. Et tant mieux. Je trouve ça fort important, l'hydratation. Fait qu'il nous a goroché des bouteilles d'eau. Pas une, là, vraiment comme une dizaine. Alors, merci de penser à notre santé physique en spectacle. C'est très important. Pas juste boire la bière. Sur ce, je me suis placée en avant, puis je me suis dit, quel mauvais choix. Parce que oui, c'est la place, je crois, la pire dans un show. Parce que t'es tout le temps en train de ramasser le monde qui se pousse en avant, là, ça pousse dans le pit, puis ça veut juste foncer sur le monde en avant. Fait que tu fais juste comme écoper les coups, ou juste comme tu te déplaces, tu gardes pas ta place. C'est comme, t'es vraiment soumis au mouvement de la foule. T'as comme une certaine forme de passivité. Et tout en étant un gros guerrier, parce que quand t'es en avant, justement, t'as maintien ta place. Fait qu'il y a il y a un maintien à avoir. Faut avoir des bons muscles stabilisateurs. Ouais, sûrement. Mais avant la tempête, ben oui, les gens sont super gentils en avant. Je trouve qu'il y a une complicité plus forte que dans le restant de la salle, dans la foule. C'est drôle, hein? Mais le fait qu'en avant, tu sais, c'est souvent les fans, là, qui veulent être à côté, ils veulent être collés, ils veulent être physiquement proches de leur groupe. Je trouve ça, ouais, je suis certaine que c'est ça qui fait qu'ils sont encore plus portés à jaser. Là, c'était la fête à la fille aux cheveux bleus. Fait qu'on lui souhaite bonne fête, puis on souhaite qu'elle retrouve son ami. Là, il est bien perdu. Sinon, ben là, t'as le goût de Charlevoix. Déjà, il y a beaucoup de monde, vu que c'était la seule date au Québec. Ben, du monde qui vient d'un peu partout. Le gars de Charlevoix, il y a des plans. Tu sais, déjà, je sais pas, il y a des plans pour toute la soirée en général. Là, il me parlait de l'hôtel qu'il a pris, puis là, le chemin qu'il a fait. Faut pas passer par telle place, mais telle autre, pas pogner le trafic. Écoute, un gars organisé. Et sinon, ben, il y avait des plans pour le show. Là, il était comme, OK, là, fait que là, ça va bardasser. Là, on est en avant. Fait que là, on va aller comme à 45 degrés à droite. Et là, on va être parfait. Et là, je suis comme, d'accord. Parce que je trouve ça, tu sais, la foule, c'est quand même plus organique qu'on le croit. Genre, ça se peut que tu restes sur place. Puis c'est correct, tu vas te déplacer naturellement, sinon, parce que tu vas faire ton chemin, parce que le courant aura fait en sorte que tu vas à gauche, à droite, reste en avant, aller en arrière du pit, peu importe. Là, il m'a fait quand même, oui, sourire, c'est que là, il était comme, pis toi, tu vas faire du stage dive, là. Fait que là, il m'expliquait, là, j'étais comme, non, mais je suis une grande fille, tu sais, si j'ai envie de faire du stage dive, je vais en faire, tu sais. J'ai pas besoin d'un moniteur de 40 jours, genre, pour me dire, allez, on va faire des activités. Déjà, je trouve que les shows metal, il y a un peu de ça, hein, comme un peu activité vacances, là. Allez, tout le monde, on fait un circle pit, tu sais, oui, je trouve que de plus en plus, on le fait de nous-mêmes. Si ça nous tente de faire un circle pit, on n'attendra pas après le ben. Parce que je trouve que c'est vraiment un minimum plus d'organisation qu'un pit. Mais reste que c'est ça. Tu vois, on a besoin. Allez, tout le monde, on fait Wall of Dead. Tout le monde, circule pit. Moi, juste un pit, là, par exemple, s'il n'y en a pas. Ouais, le Ben peut être déçu en se disant, mon Dieu, ils sont calmes à soir. Mais non. Hey, ce soir-là, ce sera pas calme tout de suite. Là. Comme je vous dis, à la première note, là, ça déménage. C'est assez brutal. Personnellement, j'étais pas au centre du pit, je sais pas, au milieu de l'action, juste parce que, ouais. Il fallait être vigilant, il fallait foncer dans le top puis avoir une bonne force physique et mon mood chai latte de faire en sorte que je l'étais moins qu'à mes habitudes. Aussi une question, il faut se respecter. Je pense que c'était pas le meilleur pit non plus à vie. Fait que je suis comme tant mieux heureuse si j'ai pas manqué grand chose. Mais j'ai pu bien expérimenter l'avant-scène. Oui, le fait de tenir à un bras de distance la scène au lieu de s'agripper très collé est beaucoup plus efficace en passant parce que j'ai vraiment t'as un meilleur maintien, t'as une meilleure stabilité. Des fois, comme les gars, là, tu sais, qui protègent leurs copines, là, justement, en poussant leurs bras avec la scène, ben oui, c'est efficace. Et pour elle, ben ça y fait un petit cocon de sécurité, on dirait une bulle sécuritaire. Mais aussi, ouais, aussi pour la personne qui est là en train de protéger, entre guillemets, protéger, s'il vous plaît. Mais qui, oui, ça reste très efficace. Et aussi, c'est drôle parce que, tu sais, le stage chez Foufoune, il est vide en dessous. Fait que tu peux aussi mettre t'agripper tes mains par-dessus le stage ou par en dessous. La seule chose, c'est que là, c'est... C'est le moment que j'ai découvert que, ouais, il y a plein de gomme, tu sais, collée en dessous. Fait qu'au début, j'étais comme, hey, j'ai donc bien une bonne grip. Puis après ça, j'étais comme, des générations de gomme. Bouh! Fait que moi, je trouvais ça. Fait que j'ai arrêté de mettre mes mains là, tu sais. Wow, du contenu. Oui, tout en gomme sur les ondes de la marge. Sur ce, ben, j'ai envie de te passer une chanson de bonbons. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il est arrivé, des moments magiques qui étaient bonbons comme les bonbons. Les bonbons, le volume était au maximum. Maintenant que je sais que tu Patrick et les Brutes avec la chanson Les bonbons des bons. Et vous avez entendu, et oui, le volume était au maximum avec les bonbons. Parce que oui, à un moment donné, durant le spectacle, c'est drôle, c'est vraiment le mot que j'avais en tête. Je me disais, je me sens comme dans une bonbonnière. Je me sens là, comme rempli de sucre givré et pétillant et coloré. Et mon cœur était comblé. Et oui, je vous ai parlé plus tôt durant l'émission de Trevor qui complètement... beau sur scène! Je trouve que c'est simple, tu sais. Il marche de gauche à droite, les bras assez élevés, sûrement pour aider, oui, à ses chants gutturaux, mais aussi, ça lui donne une belle présence scénique. Mais on dirait que c'est pour ça, genre... Tu sais, j'ai la misère à dire « Ah, comme il a du charisme. » C'est peut-être parce que j'ai regardé la définition tantôt puis j'étais un peu déçue parce que ça disait comme « autorité ». Puis là, le premier mot qui était sorti, j'étais « autorité », c'est bien décevant. « Autorité, charisme ».« Autorité, ascendant naturel, magnétisme, qu'exerce une personnalité sur autrui ». Et on pense aussi à des chefs politiques dotés d'un fort charisme qui était nommé en exemple avec la définition. Et ouais, j'étais déçue. Fait que je me suis dit « Allons voir charme ». Parce que dans le fond, Trevor, il est charmant. Il n'est pas en train de nous imposer grand-chose. Des fois, il nous dit « Faites un circle pit », mais c'est tranquille. Alors, oui! Tandis que charme, mais déjà, la première définition, c'est « supposer exercer une action magique ». J'adore ça! Et sinon, qualité de ce qui attire, plaît et fait d'une telle qualité qui est produit sur quelqu'un. Et comme je vous ai dit, c'est sa façon de déposer son regard sur chacun, vraiment de façon humaine. C'est surtout ça. Je trouve qu'il est très simple, contrairement à d'autres... Je sais pas, d'être métalleux. Il va pas. Il a pas l'air méchant. Il joue pas de personnages. Ils sont comiques sur scène. Ils sont sympathiques. Ils sont humains. Ils sont très eux. Et je crois que c'est surtout ça qui ressort. Cette simplicité-là dans sa performance scénique, mais surtout d'être vers les gens. Il se met pas autant en valeur qu'il met en valeur chaque personne dans la foule. Et ça peut avoir un effet assez intense. Et c'est mon cas. Parce que, oui, il regarde tout le monde, puis c'est pas la première fois que je le vois en show. Enfin, je le sais. Je le sais qu'il va regarder comme tout le monde avec attention. Et quand il m'a regardé, bon, la première fois, c'est comme ça va, tu sais, il regarde tout le monde. Là, il me regarde. Là, je suis comme... Il me regarde. Puis oui, tu le prends personnel. Tu sais, mais si tu le sais qu'il fait. Il est comme, il me regarde. Et là, j'ai fait comme, moi? J'ai fait le move de moi. Est-ce que tu parles de moi? Et là, j'ai vu le signe de sa tête, qui fait oui! Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je monte sur scène. Oui, je sais, hein, comme j'ai dit, ça m'amène une énergie d'espièglerie. Là, je deviens fofolle. Ça, je sors de mon corps. Mon corps agit tout seul. Et ça a été le cas encore une fois cette fois-ci. Le pire, c'est que je suis retournée voir des vidéos de Black Dahlia en spectacle. Puis des fois, il a l'air de hocher de la tête. Je suis comme, j'ai peut-être suranalysé son, son approbation. Mais je suis certaine. Là, il fait oui. Là, qu'est-ce que je vois dans la salle? Plutôt, qui vois-je dans la salle? C'est pas notre beau Patrick! Ben ouais! Patrick est un des premiers auditeurs de critique de Crowd. Il écoute toutes les émissions depuis le début, depuis mes 5 ans. Je te salue, Patrick, parce que c'est là, j'ai fait comme « Hey, Patrick! » Puis il était comme « Hey, Jolene! » Puis il m'a pogné. Fait que là, j'ai body surfé. Déjà, en partant, les années de critique de Crowd ont un impact sur mes critiques de Crowd. Parce que, oui, tu sais, je pense que je me serais juste garoché dans le monde pour essayer de monter sur scène. Tandis que là, ça s'est fait avec une certaine aisance. Et c'est quand même plus sympathique grâce à Patrick. Et oui, je monte sur scène. Et bon, mais comme à chaque moment, mon Dieu, je me dis, il faut que j'apprenne les paroles des chansons par cœur. Parce que tu te dis, ah oui, je pourrais chanter avec le chanteur. Parce que souvent, il tend le micro, les gens en bas chantent. Il y a des gens sur scène qui montent pour chanter avec lui. Moi, je suis juste là comme, ah! Allô? Et là, je donne un bec à sa main parce que je suis galante. Moi, je fais des baises mains. Et ensuite de ça, c'est là que je deviens complètement désincarnée. Là, c'est comme mon corps, c'est juste comme un koala, c'est pitché sur lui. Et c'était pas si pratique que ça. C'était un peu malhabile. Là, je suis comme, bon, Jolene, qu'est-ce que tu fais là? Et là, je suis comme, ma body surfer. J'étais pas mal alignée là-dessus. Tu vas sur scène, ça va ensemble. Fait que je pars en stage dive. Et ben oui, c'est assez fluide, plutôt tranquille, dans le sens où j'ai l'impression que je fais un peu plus comme la plante manches à repasser que je suis en train de faire des grosses acrobaties dans mon body surf. Et ça va commencer à devenir un peu trop une tradition, mais à chaque fois que je vois Foufoune électrique, inévitablement, ben oui, je finis par approcher le bord du balcon où il y a les poteaux pour les éclairages et je m'y agrippe. Encore une fois, mon sang de koala veut absolument s'agripper à tout ce qui est dans mon... tout ce qui est à ma vision. Je suis comme « Ah! Je l'agrippe! » Et... ouais, une très bonne grippe. Ça plus... J'ai entendu comme des cris. Je pense que les gens ont apprécié. Mais là, moi, c'est plutôt l'inverse. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui vont voir les mêmes spectacles que moi. Ils vont commencer à se dire, Jolene Ruet est donc bien prévisible. Elle est tout le temps en train de s'accrocher comme un paresseux qui dort sur sa branche. Oui, je le sais, c'était épouvantable. Et plus... je me suis surtout dit qu'il va falloir que je trouve une façon de descendre de là. J'ai regardé si je pouvais monter jusqu'au balcon. Non, je ne suis pas assez grande. Puis c'est vraiment compliqué. L'espace entre la barre et le balcon, justement, est très serré. Ça laisse pas à faire autant de backflips que je le souhaiterais. Mais ouais. Je vous invite, crowd, à être un peu délinquant et de vous aussi vous agripper après le mobilier puis me faire des suggestions. Parce que je vous le suggère et, je me mêle pas de si vous arrivez des conflits. Moi, auparavant, les gardiens des sécurités, des foufounes électriques, trippaient pas trop sur le concept. Soit ils me reconnaissent puis sont habitués puis ils savent que je vais rien péter parce que je suis pas assez lourde pour, comme, décrocher les éclairages. Ou tout simplement parce qu'à cette heure, ça leur dérange plus. Mais ouais, il va falloir que je trouve de quoi d'original à faire, parce que sinon je vais juste devenir, oh mon Dieu, prévisible! Aïe, reste que, oui, le groupe, je pense que le groupe a apprécié, j'ai apprécié le moment, j'en parle un peu avec un certain recul, parce que, ouais, je connais mes habitudes de crowd. Mais en même temps, ça a tellement changé pour moi toute l'ambiance du show, parce qu'au début, j'étais juste en avant, je me suis dit, vas-tu passer tout le show en avant à recevoir les coups des gens, c'est un peu plate, c'est pour ça que je m'étais reculée. Puis j'ai vu que j'ai pu avoir un high contact avec Trevor. Et ça m'a surtout bourré d'adrénaline. Complètement. Oh mon Dieu, j'étais surexcitée. Puis c'est là que j'étais comme, voyons, pourquoi je me sens comme dans une bonbonnière, tout crépite comme les bonbons là, qu'on met sur notre langue, là, que ça fait... Mais je me sentais exactement de même. Je sautais partout. Tout était possible. J'étais remplie d'une profonde liberté de mouvement. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et c'est tellement fort comment, encore une fois, le genre musical, et sur particulièrement Black Dahlia Murder, me donne ce sentiment-là, comment on peut être vibrant de vie, de sentir le moment présent. Je trouve que le show, il a filé à toute allure. Et je pensais à rien d'autre que le spectacle. Après, oui, après ce gros boost d'adrénaline. Et ouais, vraiment, ça a tout changé mon appréciation du spectacle. Et en même temps, j'avoue qu'à m'être déplacée dans la foule, j'ai pu remarquer comment les gens étaient très sympathiques. Je trouve que la meilleure place qu'on pouvait être dans la crowd, c'était mi-salle. Tu sais, tu reçois les coups, mais en même temps, tu peux être un peu dans le pit, mais pas trop, parce qu'il y avait du monde qui... ça vargeait assez, merci. Il y avait un gars qui se tenait à 90 degrés, puis il était en train de foncer. Ouais, quand... Mais j'allais dire un peu posture hardcore, mais en même temps, il avait quelque chose de foncièrement métalleux en lui, là. Et surtout, il fonçait sans distinction. Pour tous ceux qui ont peut-être trouvé que c'était un peu individualiste, ben, je trouve que lui, il l'incarne un peu. Il n'y a pas de sentiment d'unité dans ce trash-là. Quand t'en vis spontanément, là, au moins, c'est un beau mouvement de liberté, mais, tu sais, spontanément, t'es comme, je vais foncer dans tout le monde dans le pit, ben, ça va se passer. Ce qui fait aussi que c'est super imprévisible. Fait que, oui, ça peut être quelque chose, oui, de, de rester comme ça. Proche du pit ou dans le pit, parce que faut toujours que tu sois vigilant quand même. Ouais, faut toujours que t'es alerte. Puis c'est peut-être aussi ce sentiment-là qu'on ressent plus vivement la musique et le moment présent, parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Puis les rencontres, quand je vous dis que les gens étaient beaux, sympathiques, ben vraiment mi-sale, je sais pas, mais il y avait aussi une complicité. Des gens qui viennent te sourire. Il y avait une fille avec les cheveux tout bouclés. La joie de vivre en personne, c'était comme la BFF de la crowd, parce qu'elle vous dirait qu'elle connaissait tout le monde, ou peut-être qu'elle connaissait vraiment tout le monde. Téméraire, tannante, elle saute, elle s'énerve. Puis en même temps, elle est comme, ah, allô! Tu sais, elle est venue faire un câlin, puis je disais, mais voyons, c'est bien cute! Une autre complicité avec quelqu'un dans la foule, je pense que c'est parce que je criais, peut-être un peu trop aiguë. Et... Et oui, le gars, il a crié « Oh my God! » Je trouvais que c'était un peu caricatural. Oui, un peu, c'est les fans, on pense à la Beatlemania ou à la Biebermania. Mais quand il l'a répété une deuxième fois, je ne sais pas si c'était son petit pattern à lui ou tout simplement, oui, juste comme un petit instant de complicité tout de suite après que j'ai crié de façon bien aiguë. Mais ouais, vraiment, la foule, je trouve qu'il y avait un peu cette opposition-là. Autant peut-être que le pit était coriace, comme moi, j'avais l'impression que contrairement à la bonbonnière, il y avait quelque chose de viande, comme avec du tyran, là, puis faut que tu mâches, là, fait que faut que tu sortes les dents, là, faut que tu sois prêt si tu veux aller dans le pit. Mais que autour, il y avait cette fluidité-là de mouvement qui amenait, plus de cordialité. Ouais, je serais prête à dire ça. Alors, sur ce, parce que Max Lavelle, le bassiste de Black Dahlia Murder, a déjà été dans The Spice Icon, c'est une bonne excuse pour en écouter. On s'en va écouter Drapeau Noir de leur album Beast. The Spice Icon sur les ondes de la marge avec Drapeau Noir sur l'album Beast. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd. Ben oui, et mon Dieu, que la crowd, je t'ai bien apprécié. J'ai vraiment renoué avec le groupe grâce à toi, crowd. Parce que oui, même si justement il peut avoir des aspects où c'est peut-être pas la fraternité qui a l'air de rentrer en compte, je trouve que je l'ai bien ressenti lundi dernier pour le spectacle de Black Dahlia Murder. Mais ouais, je trouve que vraiment les gens sont sympathiques, mais on peut pas oublier que c'est vraiment pas un pit fait pour les débutants. Tu peux pas... faut être quelqu'un d'averti, faut quelqu'un qui aime ça donner des coups assez brutaux, là. Il y a du dans ce pit-là. Je vous dis ça parce que je suis tombée 2 secondes, là, parce que oui, les gens sont vraiment là à l'écoute là-dessus. J'ai été récupérée comme en 2 secondes, là, comme « Wouh! Remets-toi sur tes pieds, jeune fille! » Mais en même temps, j'ai eu le temps, genre de... Je sais pas si je me suis auto-piétiné le bras. C'est-tu possible? Mais sérieux, genre, je crois que quelqu'un m'a piétiné le bras. J'ai reçu un coup sur le bras droit. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais avoir un bleu épouvantable. » Ben non, je me suis réveillée le lendemain matin, c'est ça, avec la main gauche, avec des bleus, ses jointures. J'avais l'air badass, assez merci. Mais non, non, c'était plutôt parce que j'étais éclopée de ma petite chute. Je suis vraiment un peu accidentelle, là, comme j'étais à côté du pit. Puis oui, oui, il faut assumer aussi que ça brasse. Puis des fois aussi, tu peux tomber, même en étant pas au milieu du pit. Et je vous dis, quand je vous dis, je vous dis que ça brasse. Quand il a calé un circle pit, ça n'a pas pris 2 secondes qu'il y a eu comme avalanche de participants, mais pas juste comme une empilade de gens. Il y avait des gens des deux sens comme qui ont tombé à gauche, à droite. Je sais pas comment ils ont fait leur compte. Il y a quelqu'un qui marchait à contre-courant. Autrement, je me l'explique pas. Ou simplement, ah ouais, oui, ça prouve que ça brasse par là pour qu'il y ait des gens qui tombent dans tous les sens. Alors... Oui, je crois que je ne serai pas la seule légèrement blessée de ce soir-là. Mais encore une fois, ce que je retiens le plus, c'est comment le chanteur a une très bonne gestion de foule, vraiment une incroyable gestion de foule, parce que il réussit à mettre les gens à l'aise, et ceux qui sont trop à l'aise, il est capable aussi de... Oh, leur dire, tiens, tu pourrais aussi pas trop rester longtemps sur scène. Allez, exemple. Ben oui, écoute, body surf et stage dive, c'est bien le fun, mais des fois, il y a des gens que la modération a bien meilleur goût, ils connaissent pas ça. Oui, oui, ça s'applique pour ton stage dive. Tu sais, c'est le fun, là, mais quand ça fait 10 fois, là, on est fatigué à la fin de la soirée, puis on t'a déjà vu, tes amis te supportent, mais pas toute la crowd. Fait que tes body surf sont super courts. Cool. Fait que là, oh, on est un petit peu tanné de te voir. Et ça se sent aussi, parce que là, il est longtemps sur scène, puis ah, Trevor, il va juste comme, ah, oh, donner une petite tape. Pas une tape, je veux dire, on s'entend que ça pourrait être très dangereux de pousser quelqu'un sans son consentement et sans qu'il sache dans la foule. Alors, non, non, juste une petite tape, camarade, là, comme toc-toc. Ah, il est parti. Ah, il body surf. Ça lui a donné juste, tu sais, à peine effleuré, puis ah, un petit élan. Oh, il est parti. C'est si efficace parce que, oui, il est maître de sa scène, alors il laissera pas les autres upstager. Et je trouve que ça, c'est vraiment fait avec brio de sa part, intelligemment, humainement, à l'écoute, mais on sent qu'il y a toujours, toujours, toujours le contrôle. Puis ça, c'est super beau et important. Et à l'inverse, avec les filles, parce qu'il y a eu quelques-unes qui sont montées sur scène, on sentait... une certaine timidité. J'avais l'impression qu'ils voulaient body surfer, mais que ah, ça partait pas. Fait qu'ils invitaient sur scène. Et étrangement, moi, je me dis que finalement, ces filles-là, ils avaient juste pas envie de body surfer. Puis c'est bien correct. Il faut être libre de nos choix. Il faut agir comme bon nous semble. Alors, si t'as envie d'être juste sur scène, headbanger 2-3 secondes, retourner à terre, bien correct. C'est juste que c'est quand même... Moi, c'était quand même drôle. Il y avait une fille, on était sûr qu'elle allait body surfer. C'est la deuxième fois qu'elle montait sur scène. Puis elle a comme chuté dans le body surf. C'était pas clair. Ouais, comme réatterri à terre. Pas clair, mais la face de Trevor était tellement comme zut flûte, on était si proche là. On était si proche du but. La fille là, on l'avait, elle allait body surfer, parce que moi je trouve que c'est on peut des fois ça demande juste, puis je suis la preuve, moi s'il m'avait pas regardé, je serais pas allée sur scène. Des fois ça prend juste un petit déclic pour comme ouais, moi j'y vais, oui moi c'est mon tour, ouais, j'y vais. Ça prend, oui, ce petit déclic, ce petit appui de quelqu'un d'autre pour agir, pour repousser nos limites. Fait que moi, je trouve ça bien qu'il le fasse. Je trouve ça bien aussi qu'il respecte les limites de chacun. Mais ouais, avec la dernière, c'était un peu ambigu, là. On était comme, finalement, elle voulait-tu body surfer ou elle voulait pas? Ouais, pas clair. Et mention spéciale pour tous les... Je parle des éclopés. Mention spéciale au gars qui est parti de dos pour faire un backflip en stage divant. C'était très beau. C'est juste... C'est juste la conclusion, là. Ouais, c'était plus ou moins... Il est plus ou moins atterri comme il faut. Fait que, on espère que tu t'es pas fait mal. C'est pour ça que je vais te dédier la chanson « Asti que j'ai mal à la tête » des vilains puceaux. Sur ce, je vous suggère bien fortement d'aller voir Black Dahlia Murder pour la crowd, mais surtout pour le groupe qui est incroyable. Même si vous êtes pas fan de métal, c'est sûr que oui, c'est vraiment une atmosphère bien métallique. Mais cette savoir-faire scénique